Salut, je peux parler 30 secondes ? Oui, vas-y, je t'en prie. Ok, merci. Voilà, ça fait 3-4 fois que je te crois dans la rue et tout, et j'avais vraiment envie de te parler. Désolé si je te parlerai un peu direct. Non mais c'est pas grave, ça me fait plaisir, t'inquiète pas. Ok, c'est cool. Et dis-moi, je vais peut-être te surprendre, mais voilà, depuis que je te vois, j'arrête pas de penser à toi, de parler toi à mes potes et tout, et comment dire, j'aimerais enfin... Est-ce que c'est possible qu'on se revoie, je sais pas, ce week-end si t'es là? Tu sais, faut pas que tu te fasses trop d'illusions. J'ai une relation compliquée qui a duré 3 ans. Je suis vraiment désolée. Je veux bien faire connaissance, mais faut pas que tu t'attendes à plus. Ok. Désolée, mais j'ai pas envie de gâcher notre amitié. Je suis vraiment désolée. T'es très gentil comme mec, tu sais, mais t'es pas vraiment mon genre. Sincèrement, excuse-moi, hein. Mais je préfère profiter de mon célibat. Je suis désolé, mais j'ai déjà un petit copain en fait. Mais ferme ta. On te saute de ton iPod. Je vais te raconter un épisode. Une histoire d'amour peu commode. La fille et le mec sont aux antipodes. La fille est anti-mode et le mec est anti-code. Beau gosse, le mec à la côte. Une nouvelle polo Lacoste. Il fait le beau et puis la coste. Et Miss, j'ai un appart sur la côte. J'aimerais qu'on y passe un week-end comme de potes. Eh ouais, la série porte avec un sourire magique. Désolé, je suis nostalgique de ces mecs qui me restent en logique. Et merde, cette fille n'est pas pour moi. Elle est différente, je suis banale, elle est charmante, je suis pas mal. Je transpire, pire, je suis en transe. Et dans un dernier soupir, je tente ma chance et expire. Au rituel numéro, je ressens comme une flamme. Arrête ton numéro, je sais bien que tu es un homme à femme. On a grandi avec les mêmes phrases cultes. De la jeunesse à l'âge adulte. Passe ton téléphone, tu me laisses affole, tu me rends folle. Comprends pourquoi je m'affole. On a grandi avec les mêmes phrases cultes. De la jeunesse à l'âge adulte. Passe-moi ton phone, tu me laisses affole, tu me rends folle. Comprends pourquoi je m'affole. Cette fille le hante, sa voix l'enchante. Il y a de l'attente, mais ça le tente. Il est 5h30 quand la fille se rentre. Il a juste le temps de lui déclarer. Écoute, je veux coûte que coûte qu'on suive la même route qui t'a caché dans ta soupe. J'ai comme un doute, en vérité je redoute que les hommes me déroutent. Et merde, c'est pas mon jour et comme toujours, je dois faire la mise à jour de toutes mes techniques de l'amour. Je t'explique l'amour et la réplique de l'humour, la république de tous les lourds. Le mec court après elle, la cour et la appelle, la cour d'idées, il interpelle sa tante avant qu'à disons samedi. J'ai pas le temps tant que je rentre car je suis sorti mais samedi. On a grandi avec les mêmes phrases cultes. De la jeunesse à l'âge adulte. Passe-moi ton téléphone, tu me laisses affole, tu me rends folle. Comprends pourquoi je m'affole. On a grandi avec les mêmes phrases cultes. De la jeunesse à l'âge adulte. Passe-moi ton téléphone, tu me laisses affole, tu me rends folle. Comprends pourquoi je m'affole. Nous sommes le soir du rencard, la fille se prépare, le mec le prépare. Il a la tête haute part, ce n'est pas un mec à part, non. Comme tout le monde, il attend sa part. La fille est attendue donc tendue, elle a tendu l'oreille. Elle a entendu donc elle est descendue jusqu'à son prétendu prétendant. Elle perdue, lui futur perdant. Arrive la question espérée depuis des mois. Veux-tu partager un bout de chemin avec moi? Tu sais, je sens d'une relation de 3 ans, 3 ans, mon expérience croissante, c'est lassant. C'est la sensibilité qui prend le dessus sur l'incivilité, l'incivilité. L'autre c'est lui douter, tu sais, dans ces situations, il faut garder la tête. Toi t'es ouais, garçon, il y en aura peut-être d'autres. On a grandi avec les mêmes phrases cultes. De la jeunesse à l'âge adulte. Passe-moi ton téléphone, tu me laisses affole, tu me rends folle, je comprends pourquoi je m'affole. On a grandi avec les mêmes phrases cultes. De la jeunesse à l'âge adulte. Passe-moi ton téléphone, tu me laisses affole, tu me rends folle, je comprends pourquoi je m'affole. Lol.